Maintenant, la nature des réflexions de la baronne et ses pleurs après le départ de Crevel doivent se concevoir parfaitement. La pauvre femme se savait depuis 2 ans au fond d'un abîme, mais elle s'y croyait seule. Elle ignorait comment le mariage de son fils s'était fait. Elle ignorait la liaison d'Hector avec la vie de Josepha. Enfin, elle espérait que personne au monde ne connaissait ses douleurs. Or, si Crevel parlait si lestement des dissipations du baron, Hector allait perdre sa considération. Elle entrevoyait dans les grossiers discours de l'ancien parfumeur irrité le compérage odieux auquel était dû le mariage du jeune avocat. Deux filles perdues avaient été les prêtresses de cet hymen, proposées dans quelque orgie au milieu des dégradantes familiarités de deux vieillards ivres. « Il oublie donc Hortense, » se dit-elle. « Il la voit cependant tous les jours. Lui cherchera-t-il donc un mari chez ses vauriennes ?» La mère, plus forte que la femme, parlait en ce moment toute seule, car elle voyait Hortense riant avec sa cousine bête, de ce fou rire de la jeunesse insouciante, et elle savait que ces rires nerveux étaient des indices tout aussi terribles que les rêveries larmoyantes d'une promenade solitaire dans le jardin.